فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 7 dans les méfaits de la démocratie et on lit encore le livre « Al-Adillat al-Shar'iyya » les kashf al-talbisat al-hizbiyya ala al-mujtama'at al-islamiyya du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Et donc on a expliqué la semaine passée trois points. Le point qui a rapport avec le fait que la démocratie c'est quelque chose qui vient en contradiction avec l'islam, du fait que on n'a pas le droit d'opposer à celui qui est au pouvoir, on n'a pas le droit de s'opposer à lui ou de lui disputer son autorité. Deuxièmement, on a expliqué le fait que la démocratie amène à mettre au pouvoir, alaykoum salam sallallahu, amène à mettre au pouvoir un non-musulman. Et ça c'est haram bien sûr. Et troisièmement, on a expliqué que la démocratie peut amener même à mettre au pouvoir ou à élire une femme, et ça que c'est haram dans l'islam aussi. Maintenant on va expliquer un autre point que le cheikh a mentionné comme le point numéro 7, c'est faqad nasharat, hein. Le point c'est aqd al-tahalufat ma'a ba'd al-ahsab al-ilmaniya, c'est-à-dire d'établir certaines alliances entre ces soi-disant partis islamiques et les partis laïques ou communistes ou socialistes ou autres, parmi les partis qui sont contraires à l'islam. Donc le cheikh il dit « فقد نشرت مجلة النور للسنة الرابعة محرم سنة 1414 مقالا جاء فيه أن المجتمع اليمني للإصلاح أن التجمع اليمني للإصلاح حالف حزب البعث الاشتراكي وغيره على أساس نصرة الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر واحترامه واحترامه وتداول السلطة سلميا وفي هذه طاعة لأعداء الله. فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Donc ce point là c'est un point très intéressant en fait, et le chef il explique que c'est le fait que ces gens-là, parmi les hizbiyins, ceux qui se disent islamistes, hein, qui font partie de partis religieux soi-disant islamistes, et qui appellent à la démocratie, et qui utilisent la démocratie pour soi-disant arriver à établir l'islam, ou à établir un état islamique, ou à établir la charia dans les pays musulmans, ainsi de suite, eh ben, ces groupes-là, on voit de leur part des formes de contradiction à l'islam, et de contradiction à la charia, du fait qu'ils cherchent parfois à s'allier avec des groupes, hein, avec des groupes ou des partis qui sont des partis qui sont clairement en train d'appeler à des idées et à des principes de kufr et de shirk, comme par exemple les partis laïcs, les partis qui sont clairement et ouvertement contre la charia, comme par exemple aussi les partis socialistes comme le parti Baas et le parti par exemple communiste ou d'autres parties de ces tendances-là. Donc eux, ils font des alliances avec ces groupes-là. Par exemple, supposons que il y a gouvernements qui sont parfois minoritaires, il y a plusieurs partis qui sont élus parce que on sait que dans la chambre, dans l'Assemblée nationale, il y a des chaises, hein, il y a des sièges, et parfois il y a différents partis qui se partagent une proportion différente de sièges, et donc parfois pour faire passer des lois ou des trucs de ce genre, ils sont obligés de s'allier avec certains partis pour avoir une majorité pour faire passer des lois et des trucs de ce genre. Donc ils sont obligés de faire des alliances avec des groupes de coffres, hein. Et le chef, il mentionne qu'il y a dans un magazine qui s'appelle Al-Nour, de l'année 1414, et le numéro exact de ce magazine-là, le chef il l'a cité, c'est, en fait même il y a un article aussi dans le journal qui a été publié là-dessus. Attendez, je vais vous donner la page exacte avec le numéro. C'est le journal As-Sahwa, le numéro 364 de la 9e année, le jeudi 3e jour de Shawwal 1413, qui correspond au 22 avril 1993, à la page 2. Il y a cette information-là. Puis aussi dans le magazine qu'on a dit, le magazine qui s'appelle An-Nour, de la 4e année du mois de Muharram, de l'année 1414, à la page 13, il y a la citation suivante, ou la parole suivante, du fait que le groupe, ou la, disons l'organisation, ou le parti yéménite qui s'appelle Al-Islah, ça c'est le parti des Ikhwan al-Muslimin au Yémen, okay. Le parti des Ikhwan, c'est un parti politique qui s'appelle Al-Islah, et vous savez que les Ikhwan dans plusieurs pays, ils changent parfois de nom, c'est-à-dire ils ne sont pas nécessairement connus par le nom Ikhwan al-Muslimin, sauf que c'est quand même des groupes qui suivent le même manhaj que le manhaj des Ikhwan, comme par exemple ils peuvent être connus par exemple en Algérie ou en Tunisie ou dans d'autres pays musulmans par d'autres noms, comme Al-Islah ou Hamas ou yani d'autres gens, d'autres partis de ce genre. Et puis il y a peut-être même aussi d'autres partis, au Pakistan par exemple, ou en Inde, des partis islamistes, qui sont pas nécessairement de la même origine que les Ikhwan, mais qui sont de la même tendance. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous entendez souvent des ulama qui vont dire « Ah ça c'est des Ikhwan » ou « Ces gens-là c'est des Ikhwan » alors qu'ils sont pas nécessairement, ils font pas vraiment partie du groupe des Ikhwan, ils ont peut-être pas la carte de membre, ils ont peut-être pas donné la baie à ce groupe-là, mais étant donné qu'ils suivent le même principe et la même tendance, et étant donné que ceux qui ont inventé cette bid'a de participer aux élections puis de faire des partis politiques islamistes, étant donné que c'est les premiers à avoir fait ça, c'était les Ikhwan, eh ben c'est comme si on peut dire en réalité qu'ils sont tous de toute façon de la même origine, de la même source, de la même racine, de la même base, et c'est-à-dire le groupe des Ikhwan, et c'est pour ça qu'on les met tous dans ce paquet-là, puis qu'on dit que ce sont des Ikhwan, même s'ils ne sont pas nécessairement de ce groupe-là, puis qu'ils ne reconnaissent pas nécessairement Hassan al-Banna et les gens qui appellent à ce manhaj-là précisément. Donc ce groupe-là qui s'appelle Al-Islah, il a fait une alliance avec le parti Ba'ath, socialiste Ba'ath, et avec d'autres partis également, sur les bases qu'ils vont venir en aide, ou ils vont supporter et défendre la démocratie, le multipartisme, hein, c'est-à-dire le multipartisme, c'est-à-dire la pluralité des partis politiques, et la liberté d'opinion, et le respect de l'opinion de l'autre, hein, ça c'est ce qu'ils appellent le respect de l'opinion de l'autre, ou de respecter les opinions des autres. Et qu'est-ce qui est incroyable, et on va en parler peut-être plus tard aussi, c'est que eux, quand ils parlent de respecter les opinions des autres, ils incluent là-dedans même les principes de la religion. Comme si pour eux, les principes de la religion, c'est des opinions parmi d'autres. Hein? Et donc, ils considèrent que, par exemple, s'il y a des positions, par exemple, dans le Coran ou dans la Sunna, eh ben, c'est permis de l'accepter ou de ne pas l'accepter, parce que soi-disant, il y a différentes opinions chez les savants de l'islam, et étant donné que les savants ont divergé entre eux, eh bien il faut respecter toutes les opinions des savants, peu importe. Et donc, du moment qu'un savant a dit quelque chose, et que il a exprimé une opinion, que ce soit en accord ou en désaccord avec les textes et les preuves authentiques de la Sunna et du Coran, c'est pas grave. L'important c'est que c'est une position qu'un savant a supportée ou a défendue, peu importe quel savant, sans prendre même en considération est-ce qu'il était sunni ou mubtadi', hein. Ils prennent tout et ils disent ça c'est une position d'un savant, donc on l'accepte. Et on le respecte. Même s'ils ne l'acceptent pas pour eux-mêmes, même s'ils ne sont pas d'accord avec, ils disent il faut le respecter. Il faut la respecter si quelqu'un veut la suivre. Et ça c'est basé sur l'idée ou la fausse idée que certaines personnes répètent souvent, kullu mujtahidin musib. Tous les savants, les grands savants de l'islam ont raison, si tu veux le traduire de cette façon. Et ça c'est une fausse idée. C'est une fausse idée parce que c'est pas vrai que tous les mujtahidines ont raison ou ont une position correcte. C'est pas parce qu'un savant, un mujtahid, un grand savant a eu une position qu'elle est acceptable. C'est vrai que tout mujtahid est récompensé, mais c'est pas vrai que tout mujtahid a raison. Tu vois? Peut-être que Mujtahid a fait un ijtihad et il s'est trompé dans son ijtihad. C'est vrai qu'il est récompensé, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison et qu'on a le droit de suivre sa position, parce que il y a une possibilité qu'il ait raison et une possibilité qu'il a tort. Et s'il a tort, et dans ce cas-là, on n'a pas le droit de prendre sa position et de l'accepter. Hein. Et c'est ça le problème et l'erreur, mais ça bien entendu c'est un sujet beaucoup plus détaillé à expliquer. On aura l'occasion Inch'Allah d'en parler dans des cours qui vont suivre Inch'Allah, mais pour l'instant c'est juste le principe qu'on devait mentionner. Puis il mentionne aussi qu'ils se sont mis d'accord avec eux sur la base qu'ils vont s'échanger le pouvoir de façon pacifiste, c'est-à-dire avec les élections, une fois qu'un parti a gagné l'élection, il remet le pouvoir à celui qui a perdu, donne le pouvoir à celui qui a gagné l'élection, et ainsi de suite. Et on a vu que tout ça c'était contraire à l'islam. Et le chef dit que « وَفِي هَذَا » il y a dans ça une obéissance aux ennemis d'Allah, hein, en suivant ce système-là, et en faisant des alliances avec les koufars sur ces principes-là et sur ces bases-là. C'est comme si tu obéis aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il mentionne le verset 149 dans Surat Al-Imran qui dit « Ô vous les croyants, si vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils vont vous faire revenir sur vos pas, hein, ils vont vous faire revenir sur vos pas, et vous allez retourner perdant, vous allez vous en retourner perdant. » Donc le but des mécréants justement c'est de faire revenir les gens sur leur position par rapport à la foi, et de les ramener à la mécréance. Les mécréants, les koufars, c'est ce qu'ils veulent des musulmans. Ils veulent que les musulmans soient mécréants comme eux. Et parfois, il y a des musulmans qui oublient ça. Ok? Et le principe ou les idées de démocratie, c'est des idées qui ont été ancrées maintenant dans la mentalité et dans l'esprit de la plupart des gens, des hommes et des femmes sur la terre, à un point tel qu'ils sont convaincus presque que c'est une vérité absolue, que c'est la justice, que avant la démocratie, la justice n'existait pas. Et que la justice a existé uniquement lorsque la démocratie est apparue sur la terre. Le cheikh, il a mentionné un verset 149 dans Surat Al-Imran. Et c'est pour vous dire, sérieusement que, c'est un lavage de cerveau que les gens ont suivi, et même on ne devrait pas dire un lavage parce que c'est plutôt qu'ils ont sali le cerveau de ces gens-là avec ces idées. Et de se nettoyer le cerveau encore une fois pour le faire pour être capable de comprendre que ces principes-là sont mauvais et sont incorrects, ça exige d'un individu musulman un grand travail de réforme sur lui-même. hein, parce que tu peux pas arriver à conscientiser et à comprendre tout ça, excepté si tu as vraiment une bonne compréhension des bases de ta religion, et de sincérité bien sûr, envers Allah subhanahu wa ta'ala, et envers toi-même, et aussi bien entendu, aussi une bonne connaissance de ce que implique de fausseté ce système démocratique. Et la plupart des gens ne sont pas, n'ont pas ce qu'il faut malheureusement pour comprendre ces contradictions-là. En général, ils ne font que comprendre, ils ne savent que vaguement ce que signifie la démocratie, et de dire que la justice n'existait pas avant l'application des systèmes démocratiques dans les pays, c'est une grande insulte envers l'islam, envers le Coran, envers la Sunna, parce que c'est l'islam qui est venu avec la justice, et c'est la loi qui vient d'Allah qui a été ramenée par les messagers, qui a amené la justice à l'humanité, et non pas ces lois et ces principes inventés et fabriqués par les êtres humains. On a mentionné ça la semaine passée, ce verset-là, et puis justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ceux qui transgressent les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. Donc ça veut dire que de faire l'injustice, c'est de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, parfois ces koufars, ils s'imaginent en train de faire la justice et de faire ce qui est bien. Ils sont convaincus que leur position et leur attitude envers la femme est une position de justice, hein, et en voulant soi-disant appliquer l'égalité entre l'homme et la femme, ils disent, ou ils s'imaginent que c'est ça la justice. Alors qu'en réalité, ils sont en train de faire la plus grande injustice à l'homme et à la femme en même temps, d'accord? Parce qu'ils ont transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette question-là. Et donc, quelqu'un qui n'a pas la foi et qui n'a pas la raison, il ne peut pas arriver à comprendre la réalité de ce que signifie être injuste. Et qui connaît la justice mieux que Allah subhanahu wa ta'ala? C'est lui qui est juste, l'absolu dans la justice, hein, et c'est lui qui dit qu'il ne fait même pas un poids d'atome d'injustice. Donc la justice ne vient pas de la démocratie, ni des koufars, ni des mouchriquins, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui s'accrochent à sa loi et à sa révélation, ce sont eux qui appellent à la justice et non pas les démocrates ou les laïcs ou les autres soi-disant défenseurs des droits de l'humanité. Ensuite, le cheikh dit comme septième point, Fathu bab en passant, ça me fait penser, ces principes-là, que je l'appelle, ils s'appellent ces groupes laïcs et ces groupes socialistes et autres à s'unir avec les musulmans, soi-disant, pour établir la démocratie et les droits de l'homme. Et ça me fait penser exactement à la charte que les 400 organisations en Europe, les 400 organisations musulmanes en Europe ont signé en Europe, soi-disant, l'année passée. Et 400 associations musulmanes se sont réunies pour signer une charte européenne, d'un islam européen, soi-disant. Et parmi les principes pour lesquels ils ont signé, il y avait justement la défense de la démocratie, de la laïcité, des droits d'égalité de l'homme et de la femme, et de tous ces principes d'égarement que les koufars défendent. Et qu'est-ce que le groupe Astrolabe et le groupe Présence musulmane aussi font la promotion de ces idées-là. Et je vérifiais aussi sur Internet dernièrement, il y a un groupe qui s'appelle le Conseil canadien de la femme musulmane. Et dernièrement, la semaine passée, ils ont fait, ça c'est un groupe qui est à Toronto, je pense, mais la semaine passée, ils ont fait une rencontre à l'université, pas à l'université, mais ils ont mis les affiches à l'université. Et c'était quoi ces affiches-là? Ils faisaient une approche, hein, ils disent, le Conseil des femmes, les Canadiens des femmes musulmanes vous invite à assister à un séminaire intitulé « Une approche comparative des lois familiales islamiques et canadiennes » présenté par Maître Noureen Majid. Donc c'est pour vous dire que, j'ai pas assisté, mais c'est pour vous dire que ils veulent faire une approche comparative. Hein, pour essayer de comparer les deux. Et je connais la position de ces gens-là en principe, c'est des gens qui s'opposaient à, c'est des gens qui s'opposaient soi-disant à, soi-disant qu'il y ait des arbitrages basés sur un tribunal islamique soi-disant au Canada, et ils disaient que c'était, ça allait amener des injustices à la femme et des trucs de ce genre. Et cette organisation-là reçoit des grosses subventions du gouvernement canadien. Ils sont subventionnés par le gouvernement canadien. Je lisais même dans le site même du gouvernement, ils ont mentionné même la somme qu'ils ont donnée en subvention à ce groupe-là, et c'était comme dans les centaines de milliers de dollars. Donc c'est normal qu'ils jouent le jeu des couffards, et puis que vous entendez de la part de ces groupes-là des choses vraiment absurdes, et eux c'est ça ce qu'ils font, appeler à l'égalité, appeler à tout ce qui est contraire à l'islam, yani. Et il y a beaucoup d'organisations comme ça qui sont subventionnées par les koufars pour justement combattre l'islam et les principes de l'islam au nom de l'islam. Et Cheikh Mokbel il disait ça dans une cassette, il dit c'est incroyable, hein, on appelle les gens à détruire l'islam au nom de l'islam. Hein? C'est grave, alhamdoulilah. Donc le Cheikh il dit donc comme huitième point, فتح باب للادعاء بين بأن الشريعة ناقصة والدعاء أنها لا تقوم بكل مهام الأمة. Donc le cheikh il dit ça ouvre la porte également, l'appel à la démocratie, l'utilisation de cette méthode des élections, ça ouvre la porte à ceux qui prétendent que la charia est incomplète, et à ceux qui prétendent également qu'elle ne peut pas répondre à toutes les nécessités de la Ummah, qu'on a besoin de quelque chose de plus que la charia. Et des fois, vous savez, il y a des frères qui font la critique, par exemple, des fois quand on parle de ces sujets-là, comme quand on parle de la démocratie, de la laïcité, des trucs de ce genre, ils disent ah, « mais mon frère, il ne faut pas parler de ça parce que ça amène des problèmes, ça amène la fitna, des trucs comme ça ». Apprenant aux gens comment faire le wudu, comment faire des choses comme ça. Et d'un certain point de vue, c'est très dangereux de dire des choses pareilles. Parce que, en particulier dans la langue française, parce qu'en arabe, alhamdoulilah, on a vu qu'il y a les livres des ulama qui parlent de ce sujet-là, il y a les cassettes des durus sur ce sujet-là qui clarifient ces choses-là. Toutefois, en français, la langue française, et la culture française, c'est une des cultures qui s'attaque le plus férocement à l'islam. Dans le monde actuellement, je pense. Je pense pas qu'il y a un pays ou une culture actuellement dans le monde qui fait une attaque plus féroce à l'islam, une guerre plus féroce à l'islam. Et moi je dis une guerre psychologique et une guerre aussi verbale contre l'islam. Et donc c'est pour ça que c'est important et c'est même fondamental qu'il y ait des gens qui s'expriment en langue française et qui clarifient pour les musulmans qui sont d'expression francophone les règles et les principes de l'islam au sujet de ces questions-là. Parce que depuis des années, moi je sais, ça fait maintenant 17 ans que je suis musulman, alhamdoulilah. Et depuis 17 ans, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que j'allume la télévision, chaque fois que je regarde dans les journaux, chaque fois que j'entends quelque chose à la radio sur l'islam, c'est toujours on est en train d'attaquer, de frapper, de cracher, d'insulter, de ridiculiser, de mépriser l'islam et les musulmans et la charia. J'ai jamais entendu rien qui va dans le sens du contraire, c'est-à-dire de montrer le bien de l'islam et de la charia. Donc d'un point de vue, on n'est pas surpris de ça, parce qu'on s'attend pas des koufars qui vont commencer à glorifier et parler en bien de la vérité. Toutefois, on entend même rarement de la part des musulmans, on entend rarement la clarification de ces principes-là et l'explication de la position islamique vis-à-vis de ces choses-là. Et quand j'ai écrit certaines de ces choses-là, quand j'ai traduit certains de ces points-là dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle l'islam ou l'intégrisme, et c'est juste une goutte que j'ai pris dans l'océan de ce que les savants de l'islam ont écrit à ce sujet, que j'ai juste mis en français, et j'ai pas mis tout, j'ai juste mis un petit peu de ce que les savants ont expliqué à ce sujet-là, et les réactions des kuffars, ça a été des réactions de haine et de rejet total. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'en surprend, on n'est pas étonné de ça, parce que on n'espère rien d'autre de la part de ces gens-là la plupart du temps, excepté ceux pour qui Allah a mis dans leur cœur un peu de sincérité et un peu d'amour pour la vérité. Eux, ils vont lire le livre avec un cœur ouvert et ils vont analyser et ils vont savoir juger comprendre les principes. Tandis que les autres, ils vont même pas être capables de dépasser la préface. Pour dire, je te jure, parce que j'ai vu des commentaires de certains kuffars justement au sujet du livre, ils ont même pas été capables de dépasser l'introduction. Pourquoi? Parce que ils sont tellement habitués d'entendre des attaques et de la haine contre l'islam, aussitôt qu'ils entendent une réponse d'un musulman sur ces sujets-là que eux aiment discuter et traiter sans aucune connaissance, aussitôt qu'ils entendent un musulman qui dit la vérité à ces sujets-là, ils s'enflent d'orgueil et ils sont remplis de haine par la suite. Et ils sont pas capables d'analyser les choses et de réfléchir et de comprendre les points et les arguments qui sont présentés. C'est juste de voir les choses de leur point de vue à eux seulement. Et donc ça, c'est de la part de gens qui se prétendent soi-disant ouverts d'esprit, proches, prêts au dialogue, qui sont prêts à communiquer et à discuter. Et quand on leur fait part de nos points de vue et de la réalité de ce qui est expliqué dans l'islam, ils refusent de l'accepter. Et ils jouent à l'autruche. Pourquoi? Parce qu'ils veulent essayer de, par exemple, faire croire que, ils sont des gens qui sont pour le respect de l'opinion de l'autre et toutes ces choses-là. Pourtant, quand c'est le temps d'écouter l'opinion de l'autre, ils disent non, on peut pas accepter ces idées-là. Et on ne peut pas les supporter parce que c'est des gens qui sont intégrés et des choses de ce genre. Et c'est ça leur seul argument. À ce sujet-là, il y a un point qui m'a vraiment fait rigoler un peu, c'est que c'est des gens qui disent toujours l'islam est contre la démocratie, l'islam est contre nos valeurs. L'islam est contre la liberté, contre l'égalité et tout. Et le Coran enseigne des choses de ce genre qui sont contraires à nos principes et à nos valeurs. Quand des musulmans qui sont dans les bid'ahs et qui sont dans l'égarement leur répondent et leur disent « Non, l'islam est en accord avec la démocratie, l'islam est en accord avec la laïcité, l'islam est en accord avec ci et ça », eux, ces koufars-là, ils répondent à ces gens-là, ils disent « Non, vous mentez ». C'est pas vrai, vous dites pas la vérité, c'est pas comme ça dans votre religion, vous déformez la réalité. Puis, quand moi j'écris un livre par exemple, où les savants de l'islam écrivent un livre qui disent l'islam rejette la démocratie, l'islam rejette la laïcité, l'islam est supérieur parce qu'elle vient de Dieu. Et là, eux ils disent, oh comment vous osez dire ça, comment vous osez accepter de rejeter la démocratie. On est en train d'expliquer la réalité de ce que l'islam dit. Ils ne sont pas contents avec les autres qui mentent sur l'islam et qui disent des faussetés, et quand on leur dit la vérité de l'islam, ça les choque et ils réagissent de l'autre opposé, une réaction de l'autre extrême. Et ils refusent de supporter la critique. Maintenant, n'importe quel prof de philo dans n'importe quelle université au cégep, qui demanderait à ses élèves, un kafir qui demanderait à ses élèves, écrivez-moi une dissertation ou une critique de la démocratie, pour montrer les points faibles de la démocratie, ils vont rien dire. Ils vont accepter qu'un prof pose à ses élèves ce genre de questions, comme si rien n'était. Mais du moment que c'est un musulman qui répond à la fausseté et au mensonge et à l'égarement et à la stupidité des principes de l'Occident qui sont enseignés aujourd'hui, et qui montrent leur fausseté en se basant sur la vérité qui vient d'Allah, dans le Coran et dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna authentique, Et bien là, il commence à se remplir de rage et d'orgueil et d'arrogance et il commence à crier au malheur et à dire « Oh, c'est la fin, c'est le malheur ». Parce qu'on est en train de secouer, comme Fatima Ondapeka a dit, de secouer les assises de la société occidentale. Bon, j'en ai assez dit là-dessus. Maintenant, on va commencer à lire le texte du Cheikh, Inch'Allah, pour rentrer dans le sujet, Inch'Allah, et j'espère pouvoir compléter. Le Cheikh, il dit… donc, au sujet du fait que ces gens-là, lorsqu'ils rentrent dans la démocratie, ils ouvrent la porte à ceux qui prétendent que la charia est incomplète. Ça veut dire quoi? Le chef explique. « لِذَلِكَ مِنْ حَيْثُ أَنَّ النِّظَامَ الْانْتِخَابِ مُسْتَوْرَدٌ مِنَ الْكَفَرَةِ وَهُمْ لَيْسَ لَدَيْهِمْ شَرِيعَةٌ يَحْتَكِمُنَ إِلَيْهَا وَيَرْجِعُونَ فِي مَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَيْهَا فَأَخَذُوا بِهَذَا النِّظَامِ الْخَبِيثِ الْكُفْرِ الذي يتضمن الأخذ برأي الأغلبية دون النظر إلى معتقداتهم وأفكارهم فقلدتهم في ذلك كثير من الدول المنتسبة إلى الإسلام جهلا منها بحقيقة المعال فتبنت هذا النظام الخبيث خروجا من خشية النزاع في من يتولى السلطة ولم يتوقف الأمر عند هذا بل قد شاركهم في ذلك بعض الجماعات الضالة فأخذوا يصدرون الفتاوى ويستدلون لها بأدلة توضح جواز المشاركة في الانتخابات وما علم هؤلاء خطورة الأمر وما يؤول ذلك من انتهام للشريعة بالنقصان وأنها لا تقوم بكل مهام الأمة التي منها الحاكمية وكيفية تولي السلطة فلو أدركوا خطورة ذلك ورجعوا إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والنزاع لسلموا من اتهام الشريعة بالنقصان فإن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le Cheikh explique ici, il dit que le système démocratique il a été importé des koufars, d'accord? Et eux, les koufars n'ont pas de charia vers laquelle ils retournent pour juger entre eux. Ils retournent uniquement à des lois qu'ils ont inventées eux-mêmes. Donc lorsqu'ils ont des divergences, ils ne retournent pas à une charia qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont pris ce système qui est sale et qui est mécréant, hein, le système démocratique, qui implique de prendre la position et l'opinion de la majorité sans même prendre en considération la croyance de cette majorité-là, ni la façon de penser de cette majorité-là. Hein. Donc si la majorité d'un pays c'est des athées, ou des gens qui croient en rien, ou des koufars, ou des juifs, ou des chrétiens, ben ils vont juger pour, ils vont voter pour des choses qui sont contraires à l'islam. Hein. Et si c'est dans un pays musulmans où les gens vont voter, et que la majorité de ces gens-là sont des gens qui sont pas, par exemple, sur le Coran et la Sunna, hein, ben ils vont voter pour des choses qui sont incorrectes. Hein. Comme si, par exemple, dans un pays musulman, il y a des gens qui sont, un groupe de gens qui sont majoritairement socialistes, ou communistes, ou laïcs. Et ils vont voter pour des lois contraires à l'islam. Donc, le Cheikh il dit, ils ont donc imité et suivi aveuglément les koufars dans leurs idées, dans leur système. Et il dit qu'il y a certains pays qui sont musulmans, qui se disent musulmans, ou qui appartiennent à l'islam, qui suivent aveuglément les pays occidentaux dans ce système-là, par ignorance de leur part, de la réalité des conséquences de l'application de ce système. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui sont à l'origine qui sont des pays musulmans qui imitent et suivent aveuglément les systèmes de la démocratie, les occidentaux, parce qu'ils ignorent en réalité la réalité des conséquences de la démocratie et il y a même des groupes islamistes, comme on a dit tout à l'heure, qui les suivent dans ça. Et ils ont même émis des fatwas, pour essayer de dire que c'est permis de participer aux élections, et ils n'ont pas compris en fait le danger qui existe dans le fait de prétendre une chose pareille. En fait, il y en a certains parmi les groupes de bid'ah et des gens d'égarement qui ont non fait seulement la fatwa de, ils n'ont pas seulement fait la fatwa pour dire que c'est permis de participer aux élections, mais ils ont même essayé de dire que c'est une obligation religieuse et que celui qui ne participe pas aux élections est dans le péché. Hein. Donc ils ont rajouté le blasphème à leur mensonge. Donc, parmi les dangers qui existent au fait de prétendre une chose pareille, c'est que tu accuses la charia d'être incomplète. Et on va expliquer ça, on va expliquer pourquoi, hein, plus de temps, qu'est-ce qui va suivre. Et également, pourquoi on explique ou pourquoi ça implique que c'est une accusation de la charia, et que ça, c'est comme si on l'accusait d'être incomplète, la charia, parce que c'est comme si on disait que la religion musulmane n'a pas expliqué ce qui a rapport avec la gouvernance, et avec le pouvoir, et avec la façon de transmettre le pouvoir. Et donc, ça c'est un grave danger. Et le cheikh dit, s'ils étaient revenus au Coran et à la Sunna lors de leur divergence, hein, eh bien ils auraient été épargnés d'accuser la charia d'être imparfaite. Parce que le Coran nous explique que si on diverge, comme il mentionne le verset 59 dans Sourate An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous êtes croyant en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. D'accord? Donc, à ce point-là, quand on a une divergence sur quoi que ce soit une chose importante ou que ce soit une chose petite ou grande, c'est une obligation pour le musulman de se référer au Coran et à la Sunna pour chercher la réponse à cette divergence-là, et non pas de se référer aux lois et aux règles et aux principes des kuffars. Après le cheikh il dit, il mentionne d'autres versets, « Wa qawluhu wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah » le verset 10 dans Surah Shura, et si vous divergez en quoi que ce soit à son sujet, alors son jugement appartient à Allah. Okay. Et il dit وذلك أن الله قد بين بيانا شافيا ما نحتاجه من أمور ديننا ودنيانا في كتابه كما قال تعالى وقد نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Le cheikh il dit, et donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a expliqué, Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié d'une explication claire et d'une explication qui est suffisante tout ce qu'on a besoin de connaître des affaires de notre religion et des affaires de notre dunya dans son livre. Hein, comme il a dit par exemple, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ, le verset 89 dans Surat al-Nahl, ça dit, et on a révélé sur toi, on a fait descendre sur toi le livre, comme clarification pour toute chose, hein, pour clarifier toute chose dedans. Et comme vous dites tout à l'heure, à propos le combat ou la lutte ou la guerre qui se fait maintenant contre l'islam et contre la charia dans la langue, dans les pays déjà qui sont de langue française, eh ben, comme je disais qu'il faut qu'il y ait au moins des gens qui répondent à ces choses-là, eh ben, c'est ça. Si certains sont pas capables de le dire ou de le faire à certains moments ou à certains endroits, eh ben, ça veut pas dire que tout le monde doit se taire et s'empêcher de clarifier et de répondre à ces faussetés-là, oui. Exactement. Ouais, qu'est-ce que tu dis, et ça c'est un point important, que les jeunes bid'ah ou les jeunes d'égarement qui appelaient à des choses fausses au nom de l'islam, au jugement dernier, ils vont être reconnaissants. Ils vont être heureux du fait que des musulmans se sont tenus et ont clarifié pour le reste des musulmans la vérité, et ça a fait en sorte qu'ils ont, disons, eu moins de fidèles qui les ont suivis dans leur égarement, et au jugement dernier ils vont être heureux de ça, parce que ça a diminué de leur charge de péché et de leur poids, exactement. Et la même chose pour ceux par exemple qui ont, et en même temps, ça peut être une cause du fait que ces personnes-là qui appellent à ces choses-là au nom de l'islam, peut-être qu'eux-mêmes ne savaient même pas que c'était contraire à l'islam. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe en grande majorité du temps, c'est que ces gens-là savent très très bien que la démocratie est contraire à l'islam, mais ils veulent jouer un jeu avec les kuffars. Ils veulent jouer un jeu, le jeu du double visage, ou du double langage. Tu vois, et ça c'est pas permis. Mais ils utilisent peut-être le hadith qui dit « la guerre est une tromperie hein, »,« al-harb al-khud'a » et là tu n'es pas en guerre. Donc utiliser un genre de hadith de ce genre pour essayer de dire « on a le droit de les tromper parce que c'est comme si on était en guerre », et bien là c'est, encore une fois, c'est une déformation de la réalité. Ils tombent dans l'égarement. Donc le cheikh explique ici que par la suite que وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن وبلغه كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. De même que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a clarifié ce qui est dans le Coran et il l'a transmis comme Allah صلى الله عليه وسلم lui a ordonné dans le verset 44 dans sourate An-Nahl. Et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies pour les gens ce qui a été révélé pour eux ou vers eux. Et après il dit فالذي يشارك في مثل هذه الانتخابات البدعيه يتهم الشريعه بانها لا تستطيع ان تقوم بكل مهام الامه سواء اشعر بذلك ام لم يشعر. وفي هذا مخالفه لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الايه هذه اكبر نعم الله على هذه الامه حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. فلا حلال إلا ما أحله ولا حرم إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه. قلت تأمل قوله ولا دين إلا ما شرعه يتبين لك ضلال ما آل إليه حال دعاة الانتخابات حيث جعلوا من النظام الانتخابي دينا يدان به فأخذوا يوالون ويعادون فيه. Donc le cheikh il dit, et donc on peut voir donc que les gens qui participent à ces élections là, qui sont des innovations dans l'islam, ils sont en train d'accuser la charia de ne pas être capable de remplir tous les besoins de la umma. Qu'ils s'en aperçoivent ou qu'ils ne s'en aperçoivent pas, qu'ils en soient conscients ou non, c'est ça ce qu'il est en train d'accuser la charia. Et ça c'est en contradiction avec le verset 3 dans Surat Al-Ma'idah qui dit « Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion ». Et l'imam Ibn Kathir, le grand mufassir du Coran, il dit dans ce, à propos de ce verset, et ça c'est la plus grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette umma, qu'il a complété pour eux leur religion et donc ils n'ont plus besoin d'une autre religion autre que l'islam. Et ils n'ont pas besoin d'un autre prophète autre que leur prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, et qu'il l'a fait venir pour les djinns et les hommes et les djinns. Donc il n'y a pas de halal excepté ce qu'il a rendu halal. Et il n'y a pas de haram excepté ce qu'il a rendu haram. Et il n'y a pas de religion excepté ce qu'il a légiféré comme religion. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit tout le tout. Il dit je dis, pas le cheikh Hassan ibn Qasim al-Raimi, il dit médite comme, observe comme il faut la parole du cheikh ibn Kathir quand il dit et il n'y a pas de religion. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. الشيخ دي et observe comme il faut lorsque le cheikh dit il n'y a pas de religion excepté ce qu'il a légiféré. Ça clarifie, ça montre clairement l'égarement de ceux qui appellent aux élections, étant donné qu'ils ont fait du système démocratique une religion qu'ils suivent, et ils se sont basés sur ce système-là pour détester et aimer, et pour s'allier et pour se désavouer déjà. Hein? Donc tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, parmi les musulmans, qui ne sont pas d'accord avec la démocratie parmi les musulmans, ils s'opposent à eux, ils les détestent, et ils leur font la guerre, et ils disent que ce sont des extrémistes ou des choses de ce genre. Et tous ceux parmi les musulmans qui sont d'accord avec eux, sur le système d'élection et tout, eh ben ils se mettent d'accord avec eux. Et c'est rendu même tellement grave actuellement, que non seulement il y a des élections dans les pays musulmans pour la mairie, pour le gouvernement, pour tout ça, mais même ici à l'Occident, dans les pays occidentaux, même les mosquées sont régies et gérées par système soi-disant d'élections. Et donc il y a dans plusieurs mosquées des conseils, hein, et il y a un président, il y a un trésorier et tout, et à chaque je sais pas combien d'années, ils font des élections pour voter qui va être le président du conseil, et etc., etc. Dans plusieurs mosquées, ça fonctionne comme ça, hein, pour essayer d'imiter le système des koufars. Et il y a eu, il n'y a pas longtemps, peut-être quelques années, il y a eu un coup d'État dans une mosquée à Montréal. Ils ont mis dehors un imam d'une mosquée, hein, ils ont pris l'avocat, ils l'ont mis dehors, et après, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une élection pour élire un nouveau président, hein, pour la mosquée. Et ben, juste quelques heures avant la date, le moment limite pour remettre parce que pour voter, il faut avoir une carte de membre pour faire partie du comité de la mosquée. Et pour avoir la carte de membre, il faut payer, je pense, une somme de $23 pour pouvoir avoir cette carte, pour pouvoir voter. Alors, juste quelques temps avant la fin de la période de la vente des cartes de membres, quelqu'un est arrivé avec un paquet de 250 applications pour être membre, avec la somme d'argent qui va avec pour acheter les cartes de membres, soi-disant pour arriver à faire un vote, hein, pour essayer de prendre la majorité, puis élire la personne qui va mettre au pouvoir de la mosquée, la personne qui va voter pour l'ancien imam. Et donc, ils n'ont pas accepté ça, ça avait des problèmes. Oui, 250 cartes. Donc, c'est pour dire que… Exactement. Non, mais pas, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est grave de voir de la façon dont même les mosquées sont gérées. Souvent, c'est comme ça, par voie démocratique. Et déjà, les gens de ces mosquées-là, souvent, les comités de ces mosquées-là, c'est des gens qui connaissent rien à l'islam. C'est des gens, soi-disant, qui sont éduqués dans la dunya, mais sur le plan religieux islamique, ils n'ont pas grand connaissance. Et s'ils ont de la connaissance, ils n'ont pas le bon manhaj et une aqida souvent qui est un peu croche, hein. Wallahi, les mosquées, c'est comme des clubs privés maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ceux qui sont proches des administrateurs, ben c'est comme les proches des administrateurs, c'est comme les membres du club, hein. Et le club, y a rien, hein. Non, il y a des places. En tout cas, c'est rare qu'il y ait Al-Wala ou Al-Bara. C'est sûr qu'il y en a des plus pires, il y en a des moins pires. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Déjà en français, il paraît que ça ne se dit pas de dire ça, plus pire ou moins pire. Mais nous, on va le dire. On se comprend, hein, techniquement. Donc, c'est pour dire qu'il y en a qui sont plus graves, il y en a qui sont moins graves. Et donc, c'est pour dire que… en tout cas, on rentrera dans cette question-là un autre moment, parce que… Si je rentre dans ce sujet-là, on risque de ne pas en sortir. Non. Donc, c'est juste pour expliquer que ces gens-là, ils appellent à cette voie-là, et c'est une voie qui est clairement une voie d'égarement. En passant, ces gens-là, ils sont convaincus que la seule façon d'influencer la société et de faire des changements ou des améliorations dans la société, soi-disant, c'est en votant ou en rentrant dans le système démocratique, alors que c'est pas vrai, hein. Et la preuve, c'est que dans l'islam, il n'y avait pas d'élection. Toutefois, il y avait toujours moyen de donner des conseils aux dirigeants, de les faire connaître, donner une nasiha, de faire part aux gens qui sont responsables de nos opinions, de nos points de vue, de nos idées, de nos suggestions, si on a des conseils, des choses bénéfiques, des choses qui peuvent faire profiter avancer la société, c'est toujours possible de le faire. Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles de faire sans même qu'il y ait, qu'on ait besoin de faire des élections ou des votes ou des choses de ce genre. Hein? C'est juste le vent qui fait pousser la porte. Donc, il y a toujours des choses qu'on peut faire sans même avoir besoin de participer à des élections. Le cheikh il dit فمن ذلك قول بعضهم قول بعضهم إن بطاقة تمتلكها تمكنك من أن تساهم في إقامة الدين. Regardez le cheikh qu'est-ce qu'il dit. Il dit parmi l'exemple de ça c'est que parmi eux il y en a qui disent tu possèdes cette carte que tu possèdes, c'est-à-dire la carte d'électeur, te permet de pouvoir établir ta religion. Il essaie d'interpréter l'élection avec un langage religieux pour essayer de faire croire aux gens que en participant à ce genre d'élection-là, t'établis l'islam, t'établis la religion. Tu participes à le fait de mettre ta religion en force. Après, il dit وقال ابن إذا تقاعست قصرت في واجبك وقصرت في حماية الدين. Il y en a parmi eux qui ont dit et si tu participes pas aux élections, t'as eu un manquement vis-à-vis de tes obligations et tu as eu un manquement dans la protection de ta religion. Regardez comment ils interprètent les choses à l'envers. Après le cheikh il dit وسوف يأتي الرد التفصيلي على هذا الكلام في الباب في الباب الثالث بمشيئة الله. وفيه أيضا مخالفة لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Le chef il dit et on va expliquer la réponse et la récitation détaillée de ce point, de ces choses-là, hein, de ce sujet-là, plus tard dans la détaillée. Dans le chapitre 3, Inch'Allah. Donc là, le chef, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est en train de montrer les méfaits de la démocratie, mais dans le chapitre qui suit, par la suite, là, il va réfuter d'une façon détaillée les arguments qui ont été présentés par les démocrates, les islamistes démocrates, pour défendre ce système. Donc là, ce n'est pas une réfutation détaillée, c'est juste l'explication générale des principes qui contredisent l'islam parmi ces principes-là de la démocratie et de l'élection. Mais après, ça va être détaillé, inshallah, et tous les arguments des islamistes vont être réfutés en détail. Après, le chef le dit, et parmi les contradictions à la charia, il y a le verset 67 dans Sourate Al-Ma'ida. Hein. Et là, le chef il mentionne ce verset-là, dans Sourate Al-Ma'ida, qui dit Ô prophète, transmets ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis son message. Et Allah te protégera contre les gens. Allah, certes, ne guide pas les peuples mécréants. Ou les gens mécréants. Donc, c'est pour dire, ici, que Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète de transmettre ce qui a été révélé. Et il lui dit que si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis son message, donc il doit tout transmettre, ce qu'Allah lui a révélé de transmettre. Et il dit « Wallahu ya'asimuka minan nas » et Allah va te protéger contre les gens. Donc la personne qui appelle à l'islam et au tawhid et à la bonne compréhension de la religion, il doit être convaincu que Allah va le protéger contre les gens, contre les koufars. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils ont peur d'expliquer ou de parler ou de clarifier parce qu'ils vont avoir des problèmes s'ils le font. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, n'aie pas peur. Il dit au prophète, n'aie pas peur. Allah va te protéger. Allah va te protéger contre les gens si tu transmets sa religion, si tu transmets sa voix. Donc, il y en a parmi eux qui disent il ne faut pas parler de ci, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça. Sinon ils vont te faire ci, sinon ils vont te faire ça. Et donc ils essaient de te faire peur vis-à-vis de la transmission de la religion d'Allah. Mais Allah lui, c'est lui qui protège. Donc mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Le cheikh dit « وقال الشيخ السعدي رحمه الله هذا أمر من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية، فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صار من العلماء الربانيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله، فلم يبقى خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين. Donc le chef il mentionne les paroles de l'imam al-Sa'di dans son tafsir, et il dit que ça c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est le plus grand commandement et la plus importante de tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit que c'est de transmettre ce que Allah a révélé. Et tout ce que la Ummah a reçu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de ce que Allah avait ordonné à son messager de transmettre, parmi les croyances, les actions, les paroles, les règles de la Sharia, et tout ce qui a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis la religion, et a appelé, et a averti, et a annoncé la bonne nouvelle, et il a facilité la religion pour les gens, et il a enseigné aux ignorants, illettrés, jusqu'à ce qu'ils deviennent des savants, éducateurs, et il a transmis avec sa parole, avec son action, avec ce qu'il a écrit, et avec les gens avec les messagers qu'il a envoyés, pour transmettre sa religion, et donc il ne reste aucun bien excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué, et il n'y a aucun mal excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a averti. Donc il a transmis sa religion et le message que Allah lui a transmis, et les meilleurs parmi les gens de notre Ummah ont témoigné du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis cette révélation-là parmi les Sahaba. Ils ont tous témoigné de ça, et ainsi que les grands imams de la religion et les hommes parmi les musulmans ont témoigné de ça. Ça c'est dans le tafsir de l'imam al-Sa'di. Le Cheikh il dit, قلت تأمل قوله يدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه من العقائد والأقوال والأعمال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية إلى أن قال فلم يبقى خير إلا ما دل أمته عليه ولا شر إلا حذره منه يتبين لك أخي القارئ أن النظام الانتخابي نظام كفري بدعي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأين موضعه من الأمور التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم يا دعاة الانتخابات. Donc le cheikh il dit, quand on a lu la parole de l'imam al-Sa'di qui a précédé, on peut comprendre clairement dans ce qu'on a lu comme explication que ce système al-intikhabat, les élections en arabe, que ce système électoral est un système de kufr, et qui est un système qui est innové, c'est bid'i, c'est-à-dire qui est une bid'a, qui est innové, qui ne fait pas partie de l'islam, et qui n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait d'élection, n'a jamais demandé aux koufars et aux mouchriquins de participer à des votes et à des élections à son époque, et lui-même n'a pas été élu, Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi, il n'a pas besoin d'être élu, c'est Allah qui l'a choisi, et les croyants ne sont pas élus, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a choisis aussi, et qui guide qui il veut, donc alhamdulillah, et les mouchriquins, ils n'ont pas partagé le pouvoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la loi d'Allah, il a établi sur eux la loi d'Allah, et le chef dit, si vous dites, vous qui appelez à ceux qui appellent à la démocratie, si vous dites que ça fait partie de l'islam, où est-ce qu'il est la place, où est-ce que c'est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, où est-ce que c'est expliqué dans la religion ce système? Si ça fait partie de l'islam, où est-ce qu'il est écrit? montrez-moi dans le Coran, montrez-moi dans la Sunna, ça n'existe pas. Donc eux, des fois, parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des grands lignes et des grands principes généraux et ils essaient de les interpréter à la lumière du système démocratique pour dire ça prouve que la démocratie, ça fait partie de l'islam. Mais ils laissent de côté toutes les règles et tous les principes clairs et précis et détaillés de la charia dans le Coran et dans la Sunna qui montrent que la démocratie est contraire à l'islam. Hein? Et donc ils prennent des grandes lignes et ils laissent tous les principes qui sont clairs et détaillés et qui sont les fondements de l'islam, ils les laissent de côté. Donc ça c'est grave. Et wallahi, subhanallah, même si les chrétiens et les juifs prennent leur propre Bible, leur propre livre aujourd'hui, ils ne seront pas capables de prouver qu'il y a dedans la démocratie. Nulle part dans la Bible. Même tu vas trouver le contraire dans la Bible. Le contraire dans la Bible, tu vas le trouver. Hein? L'interdiction de l'idolâtrie, donc il n'y a pas de liberté de croyance. L'interdiction de l'homosexualité, l'interdiction de l'adultère, et les punitions pour ces choses-là. Encore, il y a plein d'autres règles encore là-dessus. Hein? Donc, comment des gens pourraient essayer de prétendre, défendre des choses de ce genre? Aucun prophète, c'est pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a pas parlé de la démocratie. Aucun prophète n'a parlé de la démocratie. Aucun des messagers qu'Allah a envoyé à l'humanité n'a jamais parlé de ça. Ni Isa, ni Moussa, ni Ibrahim, ni Suleiman, ni Daoud, ni aucun. Amenez-moi un seul des prophètes d'Allah qui a parlé de ça. Aucun. Jamais. Seuls ceux qui ont amené cette idée ou ce système ou ce principe, c'est des idolâtres païens, homosexuels de la Grèce antique, qui connaissaient rien, qui étaient dans l'égarement. Et même eux, ils l'appliquaient pas comme ces gens-là prétendent l'appliquer aujourd'hui. Hein? Ils vivaient dans une société esclavagiste où la majorité des habitants étaient des esclaves. Et eux, ils étaient une minorité qui faisait juste passer leur journée à discuter, à voter des lois et à s'asseoir pour parler. Et prendre des bains et faire des choses haram. Donc, c'est pour dire, ils ne considéraient pas la femme pour voter, ils ne considéraient pas l'esclave pour voter. Hein? Parce que pour eux, il n'y avait pas d'égalité dans ces choses-là. Hein? Et pour eux, le grec, c'était, les gens qui étaient de leur cité, c'était les êtres supérieurs. Hein? C'est comme tu dis, Achille, il dit par exemple que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, ou la souveraineté du peuple, mais quand ils ont des décisions à prendre, c'est les gens qui sont au pouvoir, et ceux qui sont, c'est ça, ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui sont haut placés, et c'est seulement parmi eux que le chef va être choisi, et quand ils ont une décision politique à prendre, ils ne demandent pas l'opinion du peuple à chaque décision qu'ils doivent prendre. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent le vote comme étant, disons, une carte verte, dans le sens que c'est comme si le feu vert, en voulant dire, vous avez voté pour nous, ça veut dire que vous nous avez donné le feu vert et que vous nous faites confiance pour toutes nos décisions politiques. Et donc, on n'a pas besoin de vous poser la question à chacune des décisions qu'on doit prendre, est-ce que vous êtes d'accord ou non, parce que vous nous avez fait confiance, vous avez voté pour nous, donc vous devez accepter la responsabilité de votre vote, et donc vous acceptez indirectement nos décisions politiques. Et donc, peu importe que le Canada entier soit dans la rue pour soi-disant faire une marche, une démonstration, une manifestation pour dire on ne veut pas que vous partiez faire la guerre à tel endroit où on est contre telle ou telle décision économique ou politique, ça va rien changer. Parce que à la base, déjà ces manifestations-là, à la base, c'était pas inventé ou fait à la base pour être pacifiste. Ces manifestations-là, à la base, c'est des manifestations qui sont faites pour être violentes et pour être des renversements du gouvernement, comme la Révolution française et comme les révolutions bolcheviques ou autres qui se sont passées dans différents pays dans le monde. C'était pour faire des renversements et des coups d'État et pour faire des massacres et du désordre. Puis après, ça a été, soi-disant, quand il y a eu la démocratie qui a été établie, soi-disant, plus besoin de faire des renversements ou changer le système, puisque c'est déjà ce système-là qu'ils voulaient, qui est établi. Donc maintenant, ils vont plus renverser, soi-disant, le système. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, soi-disant? C'est juste montrer qu'ils sont pas d'accord et faire connaître pacifiquement leur point de vue en marchant dans la rue. Mais ça change rien sur le plan concret et les gouvernements le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils ne prennent même pas attention. Et tu peux faire une marche contre quelque chose un jour avec un nombre de participants et le lendemain il y aura le même nombre de personnes ou plus qui vont être pour le contraire. Hein? Et ça c'est des preuves de l'absurdité de ces genres de marches. Et quand les musulmans ou les islamistes participent à ce genre de choses, eh bien ils participent à l'imitation des koufars dans leur système, dans leurs principes. Et en même temps aussi, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait qu'ils s'associent et s'allient avec des koufars, des mouchriquines, hein, et ils se mélangent entre les hommes et les femmes. Et parfois même, ils ne font même pas la salat quand c'est le temps de faire ces choses-là. Et ils font plein d'autres péchés encore. Donc c'est pour vous dire, ça c'est juste un point en passant. Donc le cheikh il dit, il est où? Elle est où cette démocratie-là dans le Coran et dans la Sunna si ce que vous prétendez est vrai? Et c'est que ça fait partie de l'islam, où est-ce que c'est écrit? Montrez, montrez-le. Alors là le cheikh il donne trois possibilités maintenant. Le cheikh il dit, فأمامكم فأمامكم ثلاثة أجوبة. Il y a trois réponses possibles devant vous par rapport à cette question-là, par rapport à la question où est-ce qu'elle est cette démocratie-là dans l'islam si vous dites la vérité. Et bien là il dit premièrement, فإما أن تقول إن النظام الانتخابي يدخل ضمن الآية الكريمة وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا غير ملتبس. وإما أن تقول إنه لم يبينه ولم يبلغه لأمته. وإما أن تقول إن المصلحة اقتضت الأخذ به بعد موته صلى الله عليه وسلم. Donc voici les trois possibilités. Et tu ne peux pas sortir de ces trois possibilités-là. La première possibilité qu'ils peuvent donner comme excuse ou comme réponse à cette question, où est-ce qu'elle est cette démocratie dans l'islam? La première réponse, c'est que soit qu'ils disent que le système démocratique fait partie des versets, et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié d'une façon claire, sans aucun doute dedans. Ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, soit que vous répondez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas clarifié, il ne l'a pas transmis à la Ummah. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout transmis de la religion, tout ce que la Ummah avait besoin, il a été transmis. Donc, vous êtes devant trois possibilités. Il est mentionné clairement dans les versets, dans les hadiths. Ça c'est le premier. Deuxième, il ne l'a pas clarifié et il n'a pas transmis. Ça c'est la deuxième possibilité. Et troisième possibilité, c'est de dire que c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, ça vient pas de l'islam, mais la maslaha, l'intérêt général, est venu impliquer qu'on doive l'utiliser ce moyen-là après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la troisième possibilité. Donc le chiffre il répond à ces trois réponses-là, une après l'autre. La réponse à la première, le cheikh il dit, فأقول إن قلتم بالأول فإن ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد كذبتم وافتريتم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى في ذلك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. الشيخ المنصور سوت ينوب بأخسيك وقال أيضا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Donc le cheikh il dit, si vous dites la première réponse et vous dites que c'est dans le Coran et dans la Sunna, alors où est-ce que c'est écrit dans le Coran et où est-ce que c'est écrit dans la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? Si vous n'amenez pas la preuve, alors vous avez menti contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vous avez dit, hein, contre Allah un mensonge. Et il mentionne le verset 18 dans Surat Hud. Et le verset 18 il dit, et qui est plus injuste que celui qui invente contre Allah un mensonge? Ceux-là seront présentés devant leur Seigneur et les témoins diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Certes, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Ok, ça c'est à propos des gens qui ont menti sur la religion d'Allah. Il y a des gens comme ça qui disent, quand les musulmans vont parler devant les médias, ils disent, ah, mais ces gens-là, soi-disant, si les gens disent quelque chose qui ne fait pas leur affaire ou qui ne leur fait pas plaisir, si des musulmans disent devant les médias, des médias koufars, quelque chose qui ne fait pas l'affaire de ces gens-là, ils disent, ah, lui, il ne représente pas les musulmans. Et ah, lui, il n'est pas une image correcte de la communauté. Qu'est-ce qui représente la communauté des musulmans? Est-ce que c'est les gens qui boivent de l'alcool dans les bars? Est-ce que c'est les gens qui font pas la prière? Est-ce que c'est les femmes qui se voilent pas? C'est eux qui représentent la réalité de la communauté musulmane? Non, la réalité de la communauté musulmane, c'est ceux qui suivent le Coran et la Sunna. Tandis que ceux qui contredisent le Coran et la Sunna et qui font des péchés ou des erreurs, c'est pas eux qui sont les représentants de la communauté musulmane. Et donc, si quelqu'un va à la télé et dit un mensonge contre Allah et contre son messager, mais que c'est en accord avec leur désir à ces gens-là, et en accord avec leur passion, ils disent, ah, lui, il représente bien la communauté musulmane, parce qu'il a dit ce qui leur fait plaisir et ce qu'ils voulaient entendre, même si c'est faux, même si c'est un mensonge. Et si cette personne est en train de dire quelque chose de vrai dans le Coran et dans la Sunna, mais que c'est contraire à leur passion, ils disent, ah, lui, il ne représente pas notre communauté. Ils ne donnent pas une bonne image de l'islam, parce que l'image qu'ils veulent, eux, c'est l'image qui fait plaisir aux koufars et qui rend les koufars satisfaits de qu'est-ce que les musulmans disent. Et ça, il y a beaucoup de gens parmi les musulmans qui ont cette attitude-là et qui mentent et qui aiment ceux qui mentent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh nous donne un autre exemple, le verset 60 dans Surat al-Zumar. Il dit, et au jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti, tu verras ceux qui ont menti contre leur Seigneur, ceux qui ont menti contre Allah, leur visage va être assombri, comme des ténèbres sur leur visage. Peu importe leur couleur, ils vont avoir des ténèbres sur leur visage. Même s'ils étaient les plus blancs, même albinos, ils vont être des ténèbres dans leur visage ce jour-là. Donc, et il mentionne la fin du verset, « Alaysa fi jahannam maswa lil mutakabbirin » N'est-ce pas que la destination des mutakabbirin, ceux qui s'emplent d'orgueil, c'est l'enfer. Donc, ça c'est des exemples de châtiments et de menaces pour ceux qui mentent contre Allah, parce que de mentir contre Allah, c'est pas comme si tu mentais à propos de n'importe qui. Après il dit « وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Le cheikh il mentionne un autre hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit que l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté dans leur sahih un hadith qui est rapporté selon al-Mughira, un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, qui dit qu'il a entendu le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم qui disait celui qui ment contre moi, c'est pas comme quelqu'un qui ment à propos de quelqu'un d'autre parmi vous. Celui qui ment contre moi, qu'il soit prêt, ou qu'il sache que son siège ou que sa chaise est préparée pour lui dans l'enfer. C'est comme s'il prépare sa chaise dans l'enfer s'il a menti contre le prophète. Donc il a préparé sa place là, déjà en avance dans l'enfer pour lui s'il a menti contre le prophète Mohammed. Et donc quand tu parles de l'islam et de la religion d'Allah et que tu dis des choses fausses, que ce soit pour plaire au kuffar ou non, ça ne dérange pas, tu mens sur l'islam, tu dis des choses incorrectes sur l'islam, tu parles avec ignorance de l'islam, tu es responsable et tu as menti contre Allah et contre son messager. Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas, c'est tout. Et si tu fais un péché et quelqu'un te demande est-ce que c'est haram ou halal, puis parce que toi tu es en train de faire le péché, tu dis parce que tu veux pas te faire, tu veux pas mal paraître, t'as l'orgueil, tu veux pas admettre que tu fais quelque chose de mal parce que tu tu es orgueilleux, tu veux le rendre halal pour te montrer bien devant les gens, pour dire non, je ne suis pas en train de faire un péché, parce que tu as l'orgueil de montrer que tu es en train de faire un péché. Donc au lieu de dire oui, c'est haram ce que je fais, tu essaies de le rendre halal pour ne pas perdre la face. Donc tu dis ah non, non, c'est pas haram ça dans l'islam. Non, A'oudou Billah, tu es en train de mentir contre Allah et contre son messager pour protéger ta face. Donc ça c'est grave. Admets, sois franc et honnête, prends ta responsabilité, admets que ce que tu fais est haram, et puis repentis-toi à Allah. Donc ça c'est l'attitude de certains musulmans aujourd'hui. Si une femme par exemple ne porte pas le voile, quelqu'un lui demande, est-ce que tu devrais, est-ce que dans l'islam c'est pas obligatoire de mettre le voile? Non, c'est pas obligatoire. Ou bien un homme est en train de se raser la barbe, tu lui dis, est-ce que ça c'est pas haram de raser la barbe? Non, c'est pas haram dans l'islam. Parce qu'il ne veut pas perdre la face. Hein? Parce qu'il sait qu'il est en train de désobéir, mais il a honte, ou il est orgueilleux. Donc ça c'est très grave. Admets ce que tu fais, c'est haram. Mens pas à propos d'Allah, rejette pas la vérité. Dis oui, c'est haram. J'admets, je fais un péché, que Allah me guide, que Allah me pardonne, je vais essayer de me corriger, je vais essayer de changer, je vais devenir un meilleur musulman, en ce moment je suis en train de faire un péché, oui, sois franc, sois honnête, hein, ment pas contre Allah et contre son messager. Après le cheikh dit, « وَإِنْ قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَقَدْ كَذَّبْتُمُ اللَّهِ لِقَوْلِهِ الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. » Donc, si vous dites le deuxième, la deuxième réponse que vous avez dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas expliqué, alors ça veut dire que vous avez traité Allah de menteur. Vous avez accusé Allah d'être menteur. Pourquoi? Parce que Allah, il a dit qu'il a complété sa religion dans le verset 3 dans le surat Al-Ma'ida. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous ma religion. Et j'ai parachevé pour vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc la religion, elle est transmise, elle est parfaite, elle est complète. Et si vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le savait, il n'a pas transmis, il connaissait la démocratie, mais il n'a pas transmis aux gens, il n'a pas clarifié aux gens, mais vous êtes en train d'accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir caché la vérité, de ne pas l'avoir clarifié aux gens. Hein? Et ça c'est grave. Et le cheikh s'est dit, fatablir au rasoul sallallahu alayhi wa sallam, فبتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم كمل لنا ديننا كمل لنا ديننا وكذبتم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لقد تركتكم على البيضاء أو على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لشيخ ذي إن القفات محمد صلى الله عليه وسلم أتخصني pour nous la religion d'une façon complète. Et donc, vous êtes en train de traiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de menteur, en disant qu'il le savait et qu'il ne l'a pas transmis, la démocratie. Il connaissait la démocratie, vous dites, il connaissait la démocratie, mais il ne l'a pas transmis. Vous êtes en train de traiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Hakim dans al-Mustadrak qui est authentifié par l'imam al-Albani dans la Sunna, il dit dans ce hadith-là, je vous ai laissé sur une clarté ou sur une blancheur, une clarté. Personne ne sent, sa nuit est comparable à son jour. Son jour est comparable à sa nuit, c'est-à-dire elle est claire, de jour comme de nuit, cette voie-là. Tu ne peux pas t'en écarter, excepté si tu vas périr. Si tu t'en écartes, tu vas périr. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que cette voie, elle est claire, elle est éclairée de jour comme de nuit. Et si tu t'en écartes, tu vas périr. C'est ça que ça veut dire. Et donc, tout a été clarifié. Et « وَبِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانِ رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهى أن نستقبل القبلة بغائة أو بول أو أن نستنجي باليمين الحديث. ودوت الشيخ المنسيان الحديث أبطي تعليم المسلم دان صن صحيح الحديث كي أبطي صن سلمان الفارسي كي دي يعني جيف كي بنبوا سلمان الفارسي يلو يدماندي يلو يدي votre prophète vous a tout enseigné même non c'est moi votre prophète vous a tout enseigné même d'aller aux même comment aller aux toilettes. Il essaie de se moquer de Salman, il essaie de se moquer de Salman en voulant dire même ces choses là il vous a enseigné. Et Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, il n'était pas pris d'un complexe d'infériorité comme certains musulmans aujourd'hui, quand ils leur parlent de l'islam, disent « Ah, mais non, hein, vous dans votre religion, vous pouvez, vous devez par exemple, vous lavez quand vous allez aux toilettes avec de l'eau. Ah, mais non, enfin, ils sont gênés devant les kuffars de répondre de des choses comme ça. Ou bien vous, dans l'islam, la femme doit se voiler. Ah, mais non, la femme dans l'islam, elle est égale à l'homme, hein, c'est la liberté pour la femme dans l'islam. Donc, ils ont peur de s'affirmer et de dire la vérité aux koufars. Parce qu'ils pensent que les koufars ont une position haute sur ce sujet-là, devant eux. Alors qu'ils ont, ils sont dans l'égarement. Et même, Allah nous protège. Non, c'est-à-dire, il faut utiliser la sagesse. Il faut savoir comment expliquer et clarifier les choses bien aux gens. Mais en même temps, il ne faut pas mentir, il ne faut pas déformer la vérité. Hein? Et eux, ils pensent que de mentir et de déformer la réalité, ça c'est de la diplomatie et de la sagesse. Et ça c'est faux, c'est pas de la sagesse, c'est pas de la diplomatie. Et donc le cheikh il dit ensuite, certes, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Salman il lui répond, il dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que lorsqu'on va aux toilettes, on ne doit pas se mettre dans la direction de la qibla quand on fait nos besoins, que ce soit uriner ou d'aller faire nos besoins. Et que lorsqu'on doit se nettoyer, hein, après qu'on a terminé, on ne doit pas le faire avec la main droite. Et yani, c'est pour dire que ça c'est des choses que le professeur nous a enseignées. Donc s'il nous a enseigné ça, s'il a enseigné même ces choses-là, des choses qui sont des choses quotidiennes de notre vie, qui sont des choses même qui ont rapport avec les impuretés, comment il va pas nous apprendre des choses qui ont rapport avec le gouvernement, puis avec les lois, puis avec les règles de la religion? Il va pas nous parler de ça, alors qu'il nous a parlé de ça. Donc il faut quand même comprendre un peu que ça c'est absurde. Et le cheikh dit « Wa kazzabtum aydan bima ajma'a alayhi as-sahaba min anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ballagha al-balagh al-mubin. Wa qala Abu Dharr radiyallahu anhu laqad tarakana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma yuharriku ta'irun janahayhi fi as-sama' illa إلا ذكر لنا منه علما. للشيخ المنصور بقول أبو ذر رضي الله عنه دا لمسند الإمام أحمد إلي رابورتي كم étant authentique dans سلسلة الأحاديث الصحيحة. Ça dit que Abu Dharr a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort et il n'a pas laissé même un oiseau qui vole avec ses deux ailes dans le ciel, excepté qu'il nous en a laissé une science à son sujet. Hein? C'est-à-dire, même un oiseau qui vole, qui bouge ses deux ailes dans le ciel, eh bien, il nous en a laissé quelque chose de science à ce sujet-là aussi. Donc, il n'y a rien dans cette dounia, excepté que le professeur Hassan nous en a laissé une connaissance ou une science. Et après, il mentionne une autre parole, c'est-à-dire que, non seulement vous avez démenti Allah dans le Coran et vous avez traité de menteur le prophète dans la Sunna, mais en plus vous avez traité de mensonge le consensus des Sahaba qui se sont mis d'accord pour dire que le prophète a bien transmis la religion d'Allah. Et ils sont tous d'accord là-dessus. Et même Abu Dharr, il a dit ça, et Salman, il a dit ce qu'on a dit tout à l'heure, et il dit, « وَقَالَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ فِينَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلَ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ. Le cheikh il dit, et Omar ibn al-Khattab, il a dit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la position, il avait la position que j'ai pris aujourd'hui, hein, et il nous a, c'est-à-dire, il était à la même endroit que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire, il est en train de leur faire un discours, il se tient sur le minbar, et il leur dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au début de la, c'est-à-dire, il leur dit, il leur parle, il est à la même endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de parler, et il dit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé du début de la création, à partir du début de la création, et il nous a parlé de tout ce qui va se passer après, jusqu'au moment où les gens du paradis vont entrer dans le paradis, et que les gens de l'enfer vont entrer dans l'enfer. Celui qui s'en souvient, il s'en souvient, celui qui l'a oublié, il l'a oublié. En voulant dire que ça s'est rapporté dans, par Al-Bukhari, et ça dit qu'Omar est en train d'expliquer en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tout, depuis le début de la création de l'humanité jusqu'à la fin du jugement dernier, que ceux qui vont entrer au paradis en enfer, ils ont dit ce qui va arriver. Donc il y a celui qui s'en souvient, il s'en souvient, celui qui l'a oublié, il l'a oublié, mais tout a été expliqué. Hein. Et ensuite il explique maintenant, donc ça répond à la deuxième question, ou à la deuxième réponse de ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait, mais il l'a pas expliqué. Ça fait, hein. Et, exactement. Et la troisième possibilité, ou la troisième réponse, c'est la réponse qu'ils disent, wa imma an taqulu bis-salih wa huwa alladhi nazunnuhu fikum, fa idha qultum bihi waqa'tum fi al-bid'ah. أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وذلك أن دعوى حصول المصلحة في النظام الانتخابي دعوى باطلة لأنه كما قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة أما ما حدث المقتضى بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة قلت والمقتضى للأخذ برأي الأغلبية وإجراء التصويت كان موجودا على عهده صلى الله عليه وسلم في حوادث كثيرة ولم يأخذ به فتبين من ذلك أنها بدعة وضلالة أو بدعة ضلالة ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند الرد على الدعوة بأن الانتخابات من المصالح المرسلة الشيخ يكسك مئنا لا تخوزيام غيبونس كو فزافيدي كو سافي بارتي دي لانتيري جينيرال اي دو بيان بو لي جان qui sont apparus après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, et on prend, le cheikh dit, je pense que c'est ça votre position et que c'est ça votre réponse, et si vous dites cette réponse-là, alors vous êtes tombé dans une bid'a. Vous êtes tombé dans une bid'a, et le Al-Bukhari et les musulmans ont rapporté un hadith selon Aïcha radiallahu anha, qu'elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Et dans la parole de l'imam musulman, il y a une autre version qui dit « Celui qui fait une action qui n'est pas dans notre religion, elle sera rejetée. » Donc ça prouve que le système démocratique ne fait pas partie de l'islam. Il y en a des égarés parmi les gens de Bid'a aujourd'hui, ils essaient de dire que tout ce qui vient des kuffars, qui est bon, on a le droit de le prendre. Hein? Et ils essaient de faire des blagues avec les musulmans par la suite, en essayant de leur raconter des histoires pour des exemples stupides qu'ils donnent dans leurs conférences parfois, pour ridiculiser la position des savants de l'islam qui ont clarifié le verdict de la démocratie dans l'islam. Et qu'est-ce qu'ils font par exemple? Ils disent non mais ce qui est bon, on va l'accepter, on va pas le rejeter. Par exemple, tout ce qui vient des koufars, c'est pas parce que c'est des koufars qui l'ont fait qu'on va le rejeter. Sinon, on n'a pas le droit d'utiliser l'ordinateur, on n'a pas le droit d'utiliser l'électricité, hein, et des trucs de ce genre. Et ça, c'est faux, c'est un mensonge. Et c'est une déformation de la réalité. Parce qu'il y a une différence entre quelque chose qui a rapport avec les, des sujets et des principes et des fondements de l'islam, qui a été clarifié par le Coran et la Sunna, que tu t'en détournes et que tu suis les coupables dans ces principes-là, et que tu contredis la charia en suivant ces principes-là, et des choses qui sont des choses de la dunya, qui font partie de ce qui est mubah, hein, et de ce qui est permis dans la religion de l'islam, et tu fais un amalgame entre ces deux choses-là pour essayer de créer des doutes et des confusions dans la tête des musulmans au sujet de ces choses. Au sujet de ces choses. Donc, le cheikh explique un principe et une règle qui a été mentionné par le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, et c'est un principe clair qui nous montre comment répondre justement à ces gens-là, à ce sujet-là. Et il dit que si tu prétends que c'est un bienfait qui est apparu, la démocratie c'est un bienfait qui est apparu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est un intérêt général de bien pour les musulmans, c'est une fausse prétention de dire ça, que les élections est un bien et que on a le droit d'utiliser parce que ça fait partie d'un bien général et que il y a un bienfait là-dedans. Le cheikh il mentionne un exemple de la parole d'une règle qui est expliquée par le cheikh Ibn Taymiyyah qui dit tout ordre qui dont l'application ou dont le besoin de cette d'application de cette règle-là existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire toute chose qui aurait, dont les musulmans auraient eu besoin à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le besoin pour cette chose-là était présent à son époque, et que les musulmans ne l'ont pas utilisé, alors qu'ils étaient capables de le faire, et qu'ils avaient les moyens de le faire, alors de l'utiliser dans ce cas-là, ça prouve que, ou bien disons que le fait que ce besoin-là existait et que c'était possible de le faire à son époque et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, ça prouve que c'est pas un intérêt général qui est permis dans l'islam et que c'est pas un bienfait que les musulmans ont le droit d'utiliser. Toutefois, si le chef dit toutefois, Ibn Taymiyyah il dit toutefois, si il n'a pas été fait. أما ما حدث المقتضى بعد موته من غير معصية الخالق toutefois si c'est une chose qui est arrivée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ça vient pas en contradiction avec l'obéissance d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que c'est pas une désobéissance au créateur, il se peut qu'il y ait dedans un bienfait. Maintenant le cheikh il explique par rapport à la démocratie, il explique ce principe là il dit والمقتضى للأخذ برأي الأغلبية دي كيف كي pouvait amener le besoin des musulmans à cette époque-là de prendre l'opinion de la majorité et de faire des votes et de prendre les voix de tout le monde qui était présent à l'époque, cette possibilité-là elle existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu le faire. Et ce besoin-là existait peut-être même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait avoir besoin parfois d'avoir recours à ce genre de choses, et il ne l'a pas fait. En plusieurs occasions, il ne l'a pas fait. Il n'a pas pris le vote et l'opinion de la majorité dans plusieurs occasions, et dans la majorité des occasions, il n'a pas pris l'opinion majoritaire. Donc, on peut voir à ce sujet-là, que la démocratie dans ce cas-là c'est une innovation et un égarement, et donc il dit qu'à ce sujet-là il y a un point qui va venir plus loin, qui parle et qui explique en détail la question de masalih al-mursala, des intérêts et des bienfaits généraux, et que ça va être clarifié en détail inshallah dans les exemples qui vont suivre inshallah. Donc pour aujourd'hui on va s'arrêter ici et puis on continuera ça la semaine prochaine inshallah. Subhanallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.